Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris, visitez le chutealours.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. On va parler de baseball avec notre ami Frédéric Daigle de la Presse canadienne. Ça, parce qu'il y a, un sondage qui est en ligne présentement, qui est jusqu'à dimanche, les gens peuvent remplir. Moi, il faut que j'aille le faire absolument. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Fred. Salut Fred! Bonjour Daigle. On parle évidemment du retour des Expos de Montréal. Quand je parle avec Frédéric Daigle, c'est souvent parler du retour des Expos. Tu l'as rempli. Moi, je suis allé pour le remplir, puis je trouvais ça trop long. Fait que finalement, j'ai décidé de remettre ça. Mais est-ce que... devant toi, parce que on pose plusieurs questions pertinentes, mais il faut prendre le temps de répondre. OK. Donc, comment tu as trouvé ça, toi? Ben, écoute, premièrement, faut le dire, là, moi, je suis journaliste, alors normalement, je n'aurais pas le droit de répondre à ce questionnaire-là. On vous le demande si vous êtes membre des médias. Sauf que moi, si les expos reviennent, en fait, quand les expos vont revenir, je vais acheter des billets de saison avec un couple d'amis. Alors, je me suis assis avec ces gens-là, puis j'ai dit, gars, répondons. Je me suis assis avec un de mes chums, je disais, on répond au questionnaire comme quand on va se poser la question quel billet on achète. Alors, c'est comme ça qu'on y a répondu. Moi, j'ai trouvé que c'est un processus absolument fabuleux. Les options qui sont présentées, on voit vraiment, là, puis faites-vous plaisir, si vous n'avez pas répondu au sondage encore, répondez que vous voulez, que vous songez à acheter des sièges premium, même si vous voulez pas mettre 100 000 piastres par billet, je mettrai pas ça. Mais au moins, vous allez voir les options, vous allez voir le genre de loges qui vont être offertes aux compagnies, les zones party un peu, là, les loges pour les petits groupes de 8 à 10 personnes avec service de bar. Vraiment, vous allez voir ce qu'on a en tête. C'est un stade de première qualité avec des options de sièges vraiment qui vont répondre à tous les goûts, à tous les budgets. Et là, c'est certain, là, il y a des gens qui vont regarder ça et vont dire, voyons, c'est bien cher. Des billets à 5 ou à 10 $ il n'y en a plus là, dans le sport majeur. Faut oublier ça. Alors, mais tu as des billets à 20 $ par exemple. Tu as des billets à 20 $ dans un stade de 35 000 places, comme à Fenway, par exemple. Il n'y a pas de mauvais billets, là. Et contrairement à Fenway, c'est où il y a des places à vue obstruées, à Montréal, dans un nouveau stade, il n'y en aura pas. Ouais. Il n'y aura pas les soirées à 5 $ et le hot dog à 1 $. Tu te rappelles de ça? Ben, on leur souhaite, parce que s'ils ont ça, ça veut dire qu'ils ont de la misère à attirer les gens. Il va y en avoir des promotions. Écoutez, là, la mode est au bobblehead, là, les figurines avec les têtes qui chambranlent, là. Il va en avoir à Montréal de ça. Il va en avoir des promotions, mais moi, je pense que les promotions vont être axées comme on le fait ailleurs dans le baseball majeur, c'est-à-dire avec un spectacle en avant-match d'un groupe de musique locale de Montréal, par exemple, un groupe est sur la scène émergente. Peut-être des feux d'artifice après le match, peut-être un autre concert après le match. C'est le genre de promotion qu'on va vouloir créer. C'est le genre de happening qui plaît aux gens du baseball majeur maintenant et qui fonctionne dans les autres stades. Alors c'est certain que puis il y en a des promotions là. Il y a la journée du chien dans plein de stades des majeurs. Peut-être qu'on verra ça à Montréal. Tu sais, chaque équipe a ses promotions propres. Là. Quand j'avais été il y a 3 ans, puis j'avais trouvé ça génial. Parce que c'est pas la première fois que je t'en parle. En fait, j'avais été à Cleveland puis à Détroit. Puis il y avait à Cleveland et à Détroit, il y avait des feux d'artifice. Et c'était pas un feu d'artifice là au Québec, là. C'était un méga feu d'artifice après le match. Ça durait 1 heure. Et c'est ça. Veux pas si la game de baseball est plate, si les expos perdent 12-1, ben le monde va rester pour le feu d'artifice. Donc et le monde repart avec le sourire du stade. Ouais. Alors les gens ont assisté. C'est tout ça, ben. Tu le calcules dans ton prix, dans le prix de ton billet. Là, t'as eu un match de balle, puis un spectacle ou un feu d'artifice. Très bon. Alors, en tout cas, si tu vas au baseball juste pour les promotions, à un moment donné, c'est parce que t'es pas la clientèle cible non plus que ces gens-là veulent attirer. Pas que t'es pas les bienvenus, Mais à un moment donné, ce qu'ils veulent, c'est des amateurs de baseball. Et le sondage en ligne s'adresse vraiment aux amateurs de baseball qui sont prêts à investir un certain montant. Et on n'essaye pas de vous vendre 81 matchs, là. Mmh. On vous le demande plusieurs fois. Dans cette section-là, est-ce que tu serais prêt à acheter 10 matchs, 20 matchs, 40 matchs, 80 matchs? C'est vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et surtout, ce que ça me dit, c'est qu'on est beaucoup plus près encore qu'on le pense d'une annonce du côté de Montréal. Fred, moi, ce que j'ai trouvé, c'était un peu poussé ce que j'ai trouvé. C'était, là, on est rendu à fine cuisine, la bouffe, puis tout ce que tu... Tu sais, je sais pas, c'est, je trouve, le monde va-tu au baseball pour la bouffe? Tu sais, Ben, un peu. En fait, ce que les gens veulent, sincèrement, Je sais que Jeff veulent pas avoir juste le maudit hot dog puis la liqueur, en fond. Ouais. Ils veulent avoir d'autres choix. Je sais que Fred, Jeff Molson, il a dit que le statu quo était pas acceptable puis qu'il a dit que la bouffe va être bonne, va être meilleure. Fait que, quand tu regardes le club, non, mais blague à part, je sais pas. Moi, en tout cas. Ça fait partie de l'expérience globale. C'est sûr que si tu y vas deux fois par année, là, hot dog, tu vas le trouver bon, peu importe de quoi il a l'air, tu sais. Mais si tu y vas 20 fois par année, par exemple, ben, tu vas avoir plus de choix. Moi, je te donne un exemple. Moi, dans les commentaires que j'ai laissés, j'aurais dit, il faut laisser une place aux microbrasseries québécoises. Oui. Moi, je dis que ça fait partie de l'équation, ça. Mm. Ça prend une place pour les microbrasseries québécoises. Faut être capable de goûter des produits, mettre en valeur ces produits-là. On en a plein de bonnes microbrasseries au Effectivement. Québec. Effectivement. Et moi, l'exemple le plus récent qui me vient en tête, c'est quand je suis allé à Nationals Park, j'ai pris, dans mon match, j'ai pris trois bières différentes. Aucune dont j'avais déjà entendu parler dans ma vie auparavant. Là. C'était toutes des microbrasseries de la région de Washington, Virginie, dans ce coin-là. Fred, t'as dit vendredi, je t'ai écouté dimanche avec Jérémy Filosa, t'as dit 3 sur 10 que les expos pourraient même arriver l'an prochain. On regarde ce qui se passe à Tampa. Es-tu surpris que apparemment que le commissaire met de la pression sur Tampa Bay pour déménager selon certaines rumeurs? Hein? Ouais, il y a Stuart Sternberg, le propriétaire des Rays, n'a pas nommé le commissaire du baseball, mais il a dit que les autorités du baseball majeur mettaient de la pression pour déménager l'équipe. Et ça, ça me surprend pas qu'il y ait de la pression. Ça me surprend qu'il l'ait dit publiquement. Et ça veut dire là que, écoute, s'il est rendu à le dire publiquement, ça veut dire que ça fait longtemps et que la pression est forte. Alors, écoute, c'est certain, là, moi, dans des discussions privées avec des hauts dirigeants du baseball majeur, ça fait 6 ans là, que je travaille le dossier. À chaque année, je pose toujours cette question-là. Est-ce qu'il y a des équipes, des propriétaires d'équipes qui commencent à faire le calcul, le montant du bail, la pénalité pour rompre le bail à Saint-Pétersbourg avec le Tropicana Field? Et l'argent qu'on donne en partage de revenus aux Rays pour le nombre d'années qui restent sur le bail. Et il y en a, là, qui commencent à dire, ben, ça coûterait moins cher de payer la pénalité. Payons la pénalité, puis déménageons cette équipe-là. La première fois que j'ai posé cette question-là, ce qu'on m'a répondu, c'est, ouais, il y a peut-être une ou deux équipes qui posent cette question-là. Et la dernière fois que j'ai posé cette question-là, au mois de mars l'année passée, on serait à plus qu'une douzaine d'équipes qui commencent à trouver que ça serait une bonne idée de déménager les Rays et de payer moins. Parce que ces gens-là disent, la pénalité qu'on paierait versus le partage des revenus qu'on donne aux Rays, ça nous coûterait encore moins cher de déménager l'équipe, même si on la déménage dans un marché qui ne serait pas parmi les 15 meilleurs du baseball, c'est-à-dire donc un marché coté de 16 à 30, qui recevrait donc partage des revenus. Parce que là, le calcul se fait, les gens commencent à trouver que ça coûte cher et que ça t'aime pas. Ouais. Fred, ce que tu as dit au 98.5 dimanche avec Philo, c'est Philosa qui a amené ça. Apparemment que on commence même à penser déménager ou détruire le Tropicana Field, hein? Ce qui arrive là, c'est que, rappelle-toi, il y a environ un an et demi, excuse-moi, je sais pas si c'est la ville de Saint-Pete ou le comté de Pinella où se au-dessus le Tropicana Field présentement. Mm. Ça fait partie d'un quartier, c'est un énorme quadrilatère là, où se trouve le Tropicana Field. On voulait donner, littéralement, là, donner ce quartier-là aux Rays. On démolissait le Tropicana, on leur bâtissait un nouveau stade de baseball ailleurs dans ce quartier-là. Et on offrait aux Rays de profiter, là, si c'est pas à 100%, c'est à majeure partie du développement domiciliaire et commercial de tout le quartier. Mm. Alors vraiment, là, ce qu'on offrait aux Rays, c'est de se faire donner un quartier et de profiter complètement de tous les revenus du développement qui était pour se faire là. Et on a quand même choisi de demander la permission d'explorer d'autres options ailleurs dans la région de Tampa. Ça veut dire que pour le propriétaire des Rays, Stuart Sternberg, c'était encore plus intéressant de regarder ailleurs que de se faire donner un quartier à Saint-Pete. Ouais, ouais, alors, ouais. Ça en dit long, là. Tu sais, ils ne veulent plus. Alors, eux autres, là, les gens du comté, un développement comme ça, ça se planifie longtemps d'avance. Alors, s'ils sont rendus à planifier la démolition du Tropicana Field, c'est que dans leur tête, les Rays sont voilà. partis. Ouais, ils sont partis de Saint-Pete. Est-ce qu'ils seront ailleurs à Tampa? C'est une chose. Mais pour eux autres, les Rays ne font plus partie de l'équation. Et 900 millions, le projet de 900 millions n'atteint pas. On a annoncé que les Rays allaient mettre 150 millions. Ce qu'on sait à travers les branches, c'est qu'on va exiger 400 millions que les Rays mettent. C'est là que ça va probablement bugger, là. C'est là probablement que le projet va probablement tomber à Tampa. Ben ça, c'est voué à l'échec depuis le départ, là. Ouais. Parce que le projet... Stuart Sternberg a dit qu'il y avait 150 millions à mettre dans le projet et qu'il penserait à en mettre un peu plus, peut-être même le double de ce montant, c'est-à-dire 300 millions, s'il signait un droit pour le nom du stade qui lui rapporterait 20 millions par année. Mm. 20 millions par année à Tampa, c'est impensable. Là. Mm. Mais même à 300 millions, c'est pas suffisant aux yeux du comté. Les commissaires du comté d'Hillsborough, où se trouve Ybor City, le site proposé pour le nouveau stade, ils ont déjà averti les Rays. Écoutez, si vous n'arrivez pas avec un montage financier de 450 millions pour payer pour ça, oubliez ça. Alors, on veut que les Rays fournissent 50% du projet. Là, c'est sûr que Stuart Sternberg, je pense pas qu'il y a 400 millions dans ses poches. Il faudrait qu'il trouve d'autres partenaires. Mais même, le comté a été clair là-dessus. Si vous n'arrivez pas avec un chèque de 400 à 450 millions, ça se fera pas. Écoute, on se donne jusqu'au 31 décembre. Je sais là que dans la haute finance, faire des montages financiers de ces montants-là, ça prend pas des années, là. Mais ça fait 10 ans qu'on cherche un nouveau stade, qu'on cherche peut-être des partenaires, qu'on n'en a pas. Pourquoi là, soudainement, on en trouverait? Ce qui risque de bloquer aussi, c'est que les Marlins de la Floride, Jeffrey Loria et David Simpson ont carrément floué les contribuables de la Floride. Et ça, je pense qu'en Floride actuellement, on l'a encore sur le cœur, cette affaire-là. Puis je suis pas sûr que les Rays ont payé pour ça. Mais là, Fred, il y a un nouveau élément. J'ai oublié de t'en parler en dehors des ondes si t'étais au courant. Ce matin, j'ai vu ça sur le site de RDS. Semble-t-il qu'il y aura un bras de fer entre l'association des joueurs et le baseball majeur. Et on prévoit même déjà un arrêt de travail pour 2021. Parce que ce que l'association des joueurs reproche au baseball majeur, c'est l'histoire des. Écoute, là, les joueurs autonomes, là, ça a pris du temps avant que ça se règle cet hiver. Il y a même des joueurs de renom qui débutaient avec un entraînement puis il n'y avait pas encore d'équipe. Donc, s'il y a des menaces de fermeture ou encore d'arrêt de travail en 2021, je suis pas sûr, moi, que le baseball majeur va faire une expansion. Je suis pas sûr que tu me comprends là-dessus. Ah, ben écoute, moi, je sais que l'association des joueurs reproche, on n'a pas employé le terme, mais dans leur propos, on comprend qu'on reproche une collusion au propriétaire. Et ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Ben oui, ça ressemblait à ça. Absolument que ça ressemblait à ça. Et ce qu'on reproche aussi, c'est à plusieurs équipes, je m'excuse d'expression anglophone, mais de tanker, là, de perdre pour profiter de meilleurs choix au repêchage. Il y a plusieurs équipes qui se dirigent vers une saison de plus de 100 victoires présentement dans le baseball majeur. Dans l'américaine, c'est la course aux séries est pratiquement terminée. On peut quasiment nommer les 5 équipes qui vont. Mais c'est rare, c'est peut-être la première année, Fred. Tu sais, il faut quand même. Oui, mais ça arrive. la première année qu'on a vu une espèce de collusion pour le marché des joueurs autonomes également. Fait que eux autres, l'association des joueurs, leur job, c'est de protéger les joueurs. Alors, ils font un lien de cause à effet immédiat avec ça. Et puis, l'autre côté aussi, c'est, rappelle-toi qu'en février, l'association des joueurs a déposé un grief contre quatre équipes là qui profitent du partage des revenus, c'est-à-dire les Rays, les Pirates, les Phillies, puis les White Sox, je crois, en tout cas, ou je peux me tromper, là. Et eux autres, ils disent, ben ils reçoivent du partage de revenus, mais leur masse salariale augmente pas. Où est-ce qu'elle passe, cet argent-là? Fait que ça aussi, ça alimente les tensions. Alors, bon, est-ce que conflit de travail, là, je suis pas un expert de la convention collective au baseball, on vient de ratifier une nouvelle convention collective là en décembre dernier, ou là 15 mois, là 16 mois, je sais pas si déjà en 2021 on pourrait avoir un conflit de travail, mais est-ce que ça va jouer sur l'expansion, je sais pas. Mais ça pourrait, en tout cas. Moi, je pense que si on annonce une expansion, anyway, les équipes ne joueront pas en 2021, là, peu importe ce qui arrive. OK, OK. Donc, tu veux dire quoi, 2022? L'échéancier là, d'une expansion, là, c'est complexe. Là. Mais comme ici. On est en 2018. Les Rays et les Aces ont normalement jusqu'au 31 décembre 2018 pour régler leurs problèmes de stade. Si on doit les relocaliser, ça sera fait soit pour 2019 ou 2020. Je pense qu'une expansion va suivre cette annonce. Écoute, le commissaire a été constant dans ses propos à ce sujet-là. Tant que la situation des Rays et des Aces ne sera pas réglée, il n'y a pas de possibilité de monter à 32 équipes. Il y en a parlé encore hier. Hey Fred, puisque je t'ai, pour terminer, Fred, je sais que tu couvres cette semaine le combat Bossé-Pascal. C'est une vraie joke, hein? Puis il y a 2 500 billets de vendus au moment où on se passe ce matin. Fait que ça prouve à quelque part que peut-être que les amateurs de boxe n'embarquent pas. Ouais. Écoute, moi, ce que je dis depuis le début, c'est que Jean-Pascal, un ancien champion du monde de boxe, n'aurait pas d'affaires dans le même octogone que Steve Bossé, qui a été un des bons combattants des arts martiaux mixtes. Et je trouve que Steve Bossé, à son deuxième combat de boxe professionnel, n'a pas d'affaires dans le même ring que Jean-Pascal. Mais non. Alors moi, c'est ce que je dis depuis le début, et on verra vendredi, ça se passe sur le ring, mais moi, je pense que Jean-Pascal va se défaire facilement de Steve Bossé. Et ça se mérite d'affronter Jean-Pascal. Oui, puis il y a plusieurs boxeurs qui ont attendu très longtemps pour obtenir cette chance. Je pense à Lieder Alvarez. Ouais. Je trouve que Steve Bossé, on va très vite dans son cas. Écoute, je comprends qu'on veut le mousser, mais premièrement, ils sont même pas dans la même division de poids au départ. Je vais être là au combat à la Place Belle. J'ai fait pas mal tous les événements, la conférence de presse, etc. Moi, je persiste à dire que ces deux gars-là n'ont pas d'affaires présentement sur le même terrain de jeu. Ouais. Fred, toujours intéressant, on s'en reparle la semaine prochaine. Tu vas être à Cooperstown pour couvrir Vlad, fait que on se reparle la semaine prochaine. Absolument, merci Danny. Voilà, Frédéric Degg, toujours intéressant de lui parler, Frédéric Degg, la presse canadienne.